force de souffrir, la jeunesse se marginalisée. Cite-moi un pays où règne encore la fraternité. Même l'esclavage n'est plus racial, il est devenu social. Pris otage dans un monde qui devient toujours plus bestial. Où est donc la morale? Tout le monde sera normal. C'est phénoménal l'ampleur que prend aujourd'hui le mal. De tous les côtés, c'est soit des guerres, soit des attentats, soit des maladies qui nous dessinent, telles que le sida. Du réalité que nous sommes tous obligés de constater. Et cette évolution qui voulait ça pour nous mériter. Le progrès dans notre société a bien sous en vérité. Corps, que ce soit en science ou en médecine, il leur faut nos corps. Et qui compte les morts, c'est toujours nous, la famille qui pleurons. Et de notre réconfort, c'est près de notre vie que nous la trouvons. Envie de voir, de croire, en une heure d'espoir. Illuminer nos vies pour ne pas finir dans le noir. Même s'il est déjà trop tard, notre âme c'est notre savoir. Se battre c'est nos devoirs, levons-nous contre le pouvoir. Envie de voir, de croire, en une heure d'espoir. Illuminer nos vies pour ne pas finir dans le noir. Même s'il est déjà trop tard, notre âme c'est notre savoir. Se battre c'est nos devoirs, on se lève contre le pouvoir. Quel sera son destin, rongé au plus profond de lui-même, oui, quelle sera sa fin. La terre est beaucoup trop belle pour qu'on la détruise ainsi. Nous sommes beaucoup trop cons pour voir enfin le charme de celle-ci. Est-ce ce monde que nous désirons léguer à nos enfants? C'est immonde, il faudrait changer tout cela pendant qu'il est temps. Se rassembler serait bien pour renforcer nos rangs. Seule l'unité est capable de nous porter vers l'avant. La solution est que nous tous, l'aide de nous dressions face à nos dirigeants qui nous gèrent par oppression. Contrôlons notre opinion pour nous maintenir sous pression. Arrêtez de jouer avec nous car nous ne sommes pas vos pions. Libérons nos consciences afin que nous puissions progresser. Laissons-nous aller afin de pouvoir nous affirmer, nous assumer pour s'imposer dans cette société. Et vivre pour voir tous nos rêves se concrétiser. Envie de voir, de croire, en une heure d'espoir. Illuminer nos vies pour ne pas finir dans le noir. Même s'il est déjà trop tard, notre âme c'est notre savoir. Se battre c'est notre devoir, levons-nous contre le pouvoir. Envie de voir, de croire, en une heure d'espoir. Illuminer nos vies pour ne pas finir dans le noir. Même s'il est déjà trop tard, notre âme c'est notre savoir. Se battre c'est notre devoir, on se lève contre le pouvoir. Envie de voir, de croire, en une heure d'espoir. Illuminer nos vies pour ne pas finir dans le noir. Même s'il est déjà trop tard, notre âme c'est notre savoir. Se battre c'est notre devoir, on se lève contre le pouvoir.